J'entends tout ce monde autour de moi. Et du temps passé déjà à pleurer ou bien à rire. Non, rien ne vaut cette fille-là. J'ai tout le meilleur. Avec ses peines, elle comprend tous mes ennuis, sans avoir besoin de dire je t'aime. Son amour, c'est du soleil dans la nuit.